Bonsoir à toutes et à tous. Pour Viking, Luthier, Fortis, Cromartie, Forfait Time. Pour Dogger, Fischer et German. Pour Amber et Tamise. Pour Casquet, Wesson. Pour Héroïs, Yeux et Rochebonne. Viking, Fortis, Cromartie, Wesson, Héroïs. Mystéré, Sol, Shannon, Fafnet, Lamy, Irish, Malik. Hey Brit, Cromartie, on embarque, on est parti. Viking, Utsir, je voulais pas venir. Dogger, Fischer, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, Fortis, force, c'est après la brise. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Et remets Théo, Marie. L'argument tombe à l'eau quand la mer se fait chafouer. Comment sécher ma chemise? Ouais, sans pas zen, tu sais, je peux l'enlever moi-même. Héroïs, maligne, copons plutôt la cabine. Calé, quant abricot, allez, rends-moi mon maillot. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Météo, Marie. Les arguments tombent à l'eau quand la mer se fait chafouer. Méditerranée, nous voilà. Plus d'embrun plein la figure. Minorque, Sardaigne, y'a vraiment des jours où tout baigne. Baléares, Cabrera, relis-moi le Kama Sutra. Arrête la météo, Marie. Le beau temps, vois-tu, je le devine. Devrais ôter tes hauts.